La matière à de très basses températures se comporte très bizarrement. Nous en parlions ici même il n'y a pas longtemps avec Jean Dalibard, récente médaille d'or 2021 du CNRS. Entretien qui nous a donné envie d'aller explorer ces comportements de la matière autour du 0 degré Kelvin et de la façon dont on arrive à refroidir les atomes et les molécules à des températures proches du zéro absolu. Ce champ de recherche a un nom, il s'agit de la chimie ultra-froide qui fait entrer en jeu des paramètres de physique quantique. Pourquoi chercher à refroidir la matière à ces températures? Comment se comporte-t-elle et quelles applications pour cette chimie de l'extrême? Chimie ultra froide, un sujet ultra chaud, c'est le programme Quantique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. La personne qui a trouvé ce titre sera évidemment punie comme il se doit. Pour explorer en tout cas l'univers fascinant de cette chimie à très très basse température, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Perrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne, directrice de recherche CNRS au laboratoire physique des lasers de l'université Sorbonne-Paris-Nord, également responsable du groupe condensat de Bose-Einstein et Hans Ligné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Aimé Cotton de l'université Paris-Saclay où nous irons faire un tour tout à l'heure dans le reportage du jour. Vous avez tous les deux participé à l'ouvrage collectif Atomes, ions, molécules ultra-froid et technologies quantiques. C'est aux éditions EDP Science. On vous met bien sûr les références sur notre fil Twitter. Mais on commence par un tour de l'actualité scientifique la plus chaude. Et c'est la dernière fois que je fais cette blague de l'heure. C'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour, bonjour Nicolas. Et pour commencer, Natacha, un astéroïde a frappé la Terre quelques heures seulement après sa détection. Oui, dans la nuit du 11 mars, un petit astéroïde nommé 2022 EB5, de 2 mètres de diamètre, a été repéré en Hongrie par un observatoire de Budapest. Avec une vitesse d'environ 18 km par seconde, en entrant au contact de l'atmosphère, 2022 EB5 a provoqué une explosion aérienne avant de tomber dans l'océan Arctique. Alors, les habitants de Norvège ou du nord de l'Islande ont peut-être vu un flash dans le ciel. Ce type de détection est extrêmement rare, ce n'est que la cinquième fois que cela arrive. Mais pas d'inquiétude, il s'agissait d'un astéroïde inoffensif. Cela ne veut pas dire que les systèmes de surveillance des géocroiseurs sont défaillants. Au contraire, repérer des objets si petits, cela signifie que nos capacités de détection s'améliorent. Antonella Barucci est planétologue, astrophysicienne au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris. Les géocroiseurs, on a des millions d'objets. Ils sont très petits et ça peut être plus grand. Donc les problèmes qu'on connaît jusqu'à peu près la totalité des objets qui l'ont jusqu'à 1 kilomètre de diamètre. Mais il y en a des tout petits qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à observer quand ils sont loin dans les ciels. Donc même s'ils sont tout près à côté de la Terre, on ne les observe pas. Et surtout, on n'observe pas, par exemple, tous les objets qui approchent la Terre et qui sont derrière le Soleil. Il y en a certains qui sont aussi très sombres, des autres qui sont plus lumineux, ça dépend de la composition. Et maintenant, on a un projet qui s'appelle NeoRock, qui sert vraiment pour les caractériser. Donc, il y a tous les différents observatoires, laboratoires du monde entier et d'Afrique européenne qui essaient de découvrir, caractériser les géocroiseurs qui sont en orbite autour de la Terre. Probablement, ils faisaient 2 mètres de dimension, parce qu'en réalité, ils ont mesuré une explosion. Et donc, il y a eu des laboratoires qui ont mesuré l'impact. Et donc, ça fait une mesure d'à peu près 2 kilotonnes. Pour vous donner une idée, la comparaison avec l'impact Hiroshima, c'était 15 kilotonnes. Les risques d'impact, il y en a plein des astéroïdes qui tombent sur Terre, sont les étoiles filantes qu'on voit l'été, c'est des petits morceaux, des restes, des comètes qui rentrent dans l'atmosphère et qui se fragmentent complètement. Donc, en réalité, la majorité des objets, il peut aussi fragmenter, c'est fragmentant quand il rentre dans l'atmosphère. Donc ça dépend beaucoup avec la direction, parce que par exemple si c'est perpendiculaire, l'atmosphère est inférieure, donc plus c'est incliné et plus ça pourrait détruire en rentrant dans l'atmosphère. Et bien sûr ça dépend aussi de la composition, parce que ces objets, ils peuvent être formés de fer ou bien des chondrites carbonées, et la matière chondrite carbonée, c'est des météorites qu'on a bien sur Terre, qui sont très fragiles, et donc ça se fragmente très facilement. Comme on cherche de comprendre la composition de ces objets, c'est très intéressant de les suivre pendant leur chute, Ce sont des objets qui ont formé les planètes. Ils ont formé notre système solaire, sont les planétésimaux. Et donc, c'est vachement intéressant de comprendre vraiment la composition de quoi on est fait, comme arriver l'eau sur Terre, etc. Ce sont toutes des questions qu'on ne connaît pas. Voilà, vous pouvez retrouver l'étude qui décrit ce petit astéroïde qui nous a touchés il y a quelques heures sur notre fil Twitter, comme chaque jour, ainsi que les autres études dont il sera question au cours de cette heure. C'est, vous le savez désormais, en suivant le compte @laméthodefc. Et on passe au bref. Quelques mois après la COP26, l'exploitation de l'Amazonie brésilienne va, malgré tout, bientôt s'intensifier. Oui, tous les mois, la déforestation d'Amazonie bat déjà des records. Le président Jair Bolsonaro prétend qu'avec la guerre en Ukraine et la fin des importations brésiliennes des engrais russes, la sécurité alimentaire du pays est menacée. Les députés viennent d'approuver un projet de loi pour l'exploitation en urgence des ressources naturelles dans les territoires autochtones. Un feu vert pour l'exploitation minière en Amazonie. Les minerais, les gisements de potassium, le pétrole, le gaz ou encore l'énergie hydraulique avec les barrages. Le texte de loi devrait être voté à la mi-avril. Hier, l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives a annoncé la découverte d'importants vestiges archéologiques sur le chantier de Notre-Dame. Et depuis le 2 février, les archéologues de l'INRAP font des fouilles préventives sur le chantier de la cathédrale avant que ne soit construit un échafaudage de 100 mètres de haut. Alors, sous le transept de la cathédrale, ils ont découvert avec grande surprise un sarcophage de plomb de forme anthropomorphe qui date du 14e siècle. Grâce à une caméra endoscopique, les chercheurs ont pu voir des restes à l'intérieur du tissu et des cheveux. Le corps du défunt semble être parfaitement conservé. Et autre surprise, sous le dallage de Notre-Dame, les chercheurs ont mis à jour les restes de l'ancien jubé, une clôture monumentale de la cathédrale. Les fouilles doivent se poursuivre jusqu'au 25 mars. Sarcophage de plomb avec un corps intact sous la cathédrale, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Après tout, on est en 2022. Allez, pour finir, Natacha, selon une étude parue dans la revue Proceedings of the Royal Society B, le langage humain est peut-être d'abord né avec la gestuelle. Oui, avec des gestes et non pas avec des grognements. Des chercheurs australiens ont mené une expérience pour tenter de décrypter l'origine du langage. Ils ont rassemblé 30 participants de différentes cultures, des agriculteurs du Vanuatu et d'Australie. Ils ont découvert que pour se comprendre, l'utilisation de gestes et de signes est bien plus efficace que les onomatopées. Selon les auteurs, les signaux gestuels sont plus universels que les signaux vocaux. Par exemple, pour le mot serrure, tous les participants ont mimé l'action de tourner une clé. D'autres études ont déjà montré que la communication chez les primates non humains ou chez les jeunes enfants s'appuie d'abord sur les gestes plutôt que sur les vocalisations. Merci Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Revenons quelques semaines en arrière, si vous le voulez bien, le 6 janvier dernier, dans ce même studio, en compagnie de la médaille d'or du CNRS 2021, le physicien Jean Dalibard, l'un des pères du piège magnéto-optique et grand contributeur au refroidissement des atomes par laser. Il poursuit en ce sens les travaux de son ancien directeur de thèse, un certain Claude Cohen-Tanoudji, récompensé en 1997 par le prix Nobel de physique pour ses travaux précurseurs en la matière. Et c'est notre archive du jour. Le prix Nobel de physique vient d'être décerné à un Français et à deux Américains pour leur recherche sur la structure des atomes. Le scientifique français est Claude Cohen-Tanoudji, il a 64 ans. Il enseigne au Collège de France et à l'École normale supérieure de Paris. Bruno Rougier, vous venez très rapidement de prendre d'autres renseignements. Vous en savez maintenant plus long que moi sur ce chercheur français qui vient d'obtenir le prix Nobel de physique. Oui, alors d'abord, une chose qui est tout à fait importante à signaler, c'est que Claude Cohen-Tanoudji a travaillé depuis toujours dans le laboratoire Kastler-Brossel de l'École normale supérieure et il a toujours voulu travailler dans ce laboratoire. C'est donc ici à Paris qu'il a mené ses travaux. Les deux autres physiciens, les deux Américains, travaillaient sur le même sujet que lui, mais on peut dire que les trois équipes ont travaillé chacune de leur côté. Alors, on va dire exactement ce dont il s'agit. On parle du développement d'une méthode de refroidissement et de capture des atomes par la lumière laser. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il faut savoir que si on prend des atomes dans un gaz ordinaire, ces atomes vont à peu près à 4000 km/h. C'est très rapide. Oui. Il est donc possible, et c'est ça qu'a réussi à faire Claude Cohen-Tanoudji, de les immobiliser grâce à des faisceaux laser. C'est ce qu'on appelle de la recherche fondamentale. Mais il y a quand même des applications. D'une part, ça permet une étude très fine de la structure interne des atomes, parce qu'au lieu d'avoir des atomes qui se baladent, on peut vraiment les regarder. Et puis surtout, il y a des applications en particulier pour fabriquer des horloges atomiques qui sont des centaines de fois plus précises que celles qui existent aujourd'hui. Les horloges atomiques, on en trouve un peu partout, par exemple, pour la synchronisation des satellites. Voilà, le journal de France Inter en 1997 à propos de ce prix Nobel, notamment attribué à Claude Cohen-Tanoudji. Vous me confiez, Hélène Perrin, que vous étiez en pleine thèse à ce moment-là, donc vous avez Absolument. Vécu ce prix Nobel de l'intérieur. Oui, bah, il y a eu deux années de suite, puisque l'année d'avant, il a quand même eu aussi la médaille d'or du CNRS. Mmh. Et le prix Nobel, ça a été effectivement pendant une semaine le défilé, la télé, la radio. Et nous, on passait entre les câbles pour essayer d'atteindre nos salles de manip. Et par ailleurs, je salue également Guillaume Querecoquille. Bonjour Guillaume. Bon. Vous allez nous parler de vos travaux de recherche tout à l'heure. Et vous êtes vous-même au laboratoire Kassler-Brossel de l'École Normale Supérieure. Donc peut-être un futur prix Nobel. On en a vu passer un certain nombre de doctorants. Peut-être que dans 10 ans, on dira « Ah, il était à la méthode scientifique ». Mais ça n'est pas le thème de notre émission du jour. On va se concentrer un peu, peut-être une réaction en signé. Parce qu'il y a ce prix Nobel à Cohen-Tanoudji 97. Il y a un autre prix Nobel en 2001 pour Körner, Ketterle et Wiemann, prix Nobel de physique pour le condensat de Bose-Einstein. Ça veut dire que finalement, le refroidissement atomique aujourd'hui, c'est vraiment un domaine de recherche fondamentale de pointe qui a été déjà deux fois récompensé. On l'estime mal de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot là-dessus sur l'importance de ce domaine de recherche? Alors, moi, j'étais pas en thèse avec les prix Nobel. Hein. Ça arrive à des gens très bien aussi, je vous rassure. Hein. Mais disons que, ouais, c'était un moment assez important parce que toute la recherche, on va dire atomique et moléculaire, ont largement bénéficié de ces avancées-là. Maintenant, c'est devenu des techniques parce que c'est aussi des techniques qui permettent d'aller plus loin et de faire d'avoir des applications et puis et faire des études fondamentales. Mais c'est des techniques qui sont quand même bien maîtrisées maintenant. Elles sont toujours on essaie toujours d'aller plus loin. Donc bon, par exemple, les molécules froides dont je vais parler tout à l'heure, elles ont bénéficié de ça aussi. Mmh. Elles sont aussi applicables à d'autres domaines. Enfin, on essaie toujours d'étendre un petit peu ces techniques-là à différents types de particules et c'est ça qui est intéressant. Un mot, Hélène Perrin, sur l'importance de ce domaine de recherche. Parce que là, on parle de chimie ultra-froide et pourtant, depuis quelques minutes et depuis ce qu'on entend, on a l'impression qu'on ne parle que de physique. La chimie ultra-froide, c'est la maîtrise ultime des atomes un par un. Et pour pouvoir les associer en molécules en général assez simples. Pour arriver à maîtriser la matière à ce niveau, à ce degré-là, en réalité, il y a beaucoup de manipulations qui reposent sur la physique derrière. Mmh. Comme a dit Hans, la chimie ultra-froide a bénéficié de toutes les avancées sur les atomes ultra-froids, qui sont plutôt considérés comme de la physique. Et en général, les gens qui font la chimie ultra-froide ont un petit peu la double culture de physiciens et la culture des molécules simples qui sont étudiées dans ce type de chimie-là. Si on devait résumer vraiment à très très grands traits ce dont on va parler pendant une heure, c'est-à-dire de l'idée, c'est de réduire au maximum les degrés d'excitation des atomes pour quasiment réussir à les isoler individuellement et à les assembler un par un comme des pièces de Lego, quelque chose comme ça. Alors, pour décrire la chimie ultra-froide et les molécules ultra-froides, il y a un petit peu deux grandes approches. Soit on refroidit des atomes à ultra basse température, comme on le sait le faire depuis qu'on sait faire des condensats de Bose-Einstein, donc par des techniques d'abord de refroidissement laser, puis de refroidissement par évaporation, et on se retrouve avec des gaz d'atomes, soit une espèce d'atome, soit par exemple un mélange de deux atomes. Et à partir de, par exemple, d'un mélange de deux atomes, on sait associer ensemble deux atomes pour former une molécule. Donc là, on est parti d'un gaz extrêmement froid, à des températures inférieures au microkelvin, pour ensuite produire un gaz de molécule extrêmement froid lui aussi. La deuxième approche, c'est de partir de molécules déjà existantes et d'essayer de les refroidir directement. Et là, les techniques peuvent être un peu différentes. On peut passer par une étape de cryogénie usuelle avec des frigos, avec de l'hélium, etc. Ensuite, utiliser d'autres gaz déjà très très froids. D'autres gaz très très froids qui vont refroidir les molécules par collision. Mmh. Et puis, appliquer également les techniques de refroidissement laser à ces molécules, mais de façon directe, sans passer par des atomes au départ. Et ça, c'est un domaine qui a fait des progrès gigantesques ces dernières années. Le refroidissement des molécules par laser. C'était inaccessible autrefois. Eh bien, on va examiner les deux, évidemment, au cours de cette heure. Un mot là-dessus, Antligné, vous, votre spécialité, c'est vraiment le refroidissement de molécules. Il y a quelque chose qui s'est débloqué il y a très très peu de temps, là, vraiment, en termes technologiques, pour réussir à faire et à obtenir ce refroidissement directement des molécules que vient de décrire Hélène Perrin. Ouais, il y a eu deux déblocages. Alors, il y en a un qui date quand même déjà d'une vingtaine d'années. Celui-là, c'est cette méthode d'association. Donc il y a deux grosses méthodes. Il y a ce qu'on appelle la photoassociation et la magnétoassociation. Et d'autre part, par contre, ce qui est beaucoup plus récent, je dirais que c'est vraiment 5 ans, 10 ans, c'est le refroidissement donc laser sur les molécules. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire et qu'on pensait même quasiment impossible auparavant sur les molécules. On va étudier ces différentes formes de refroidissement. Vous allez voir que c'est absolument passionnant. Comment est-ce qu'on fait passer la matière d'un état bien libre, excité, à un état extrêmement froid, extrêmement ralenti aussi, puisque quand on refroidit, on ralentit les atomes et les molécules. Et puis, on va voir qu'une fois qu'on arrive à ces états-là, bien, on peut essayer de faire des assemblages tout à fait exotiques et passionnants. C'est le sujet de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de chimie ultra-froide tout au long de cette heure en compagnie d'Hélène Perrin, d'Anse-Ligné et de notre doctorant Guillaume Queret-Coquil qui viendra nous présenter ses travaux d'ici une petite vingtaine de minutes. Alors, bah, simplement, on va commencer par la première voie, le refroidissement des atomes. On en parlait ici avec Jean Dalibard qui a contribué, mais je vais vous laisser me réexpliquer comment on fait pour refroidir des atomes, étant entendu que là, pour le coup, on ne passe pas par l'hélium liquide ou par les voies chimiques, qu'on passe directement par des méthodes physiques qui ont recours aux propriétés de la physique quantique. Donc le principe du refroidissement laser, je vais commencer par celui-là parce que c'est vraiment la base, c'est de faire échanger des photons entre les atomes et un faisceau laser. Donc un photon, c'est un petit grain de lumière. Et à chaque fois qu'un atome absorbe un photon, il faut savoir qu'il encaisse un recul, une quantité de mouvement qui modifie la vitesse de l'atome. Donc l'idée, c'est d'envoyer des lasers à l'encontre de la vitesse des atomes pour les ralentir, un petit peu comme si on envoyait un jet d'eau sur un véhicule en mouvement et forcément ça le ralentit. Et en fait, il y a une astuce pour que les atomes ne voient que les faisceaux lasers qui vont à leur encontre et non pas les faisceaux lasers qui iraient dans leur sens et qui, eux, les accéléreraient. Cette astuce repose sur l'utilisation de l'effet Doppler qui décale la longueur d'onde qui est vue par l'atome par rapport à la longueur d'onde du laser qu'on envoie. Et donc, grâce à cette méthode, on peut arriver à des températures de l'ordre de quelques centaines de microkelvins. On rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs que l'effet Doppler, la façon la plus simple de le comprendre, c'est que quand vous voyez passer une ambulance devant vous, bien plus elle s'éloigne, plus les longueurs d'onde augmentent et donc plus le son que vous percevez augmente. C'est également cet effet Doppler qui permet de faire le décalage vers le rouge de l'observation des galaxies et de calculer notamment l'expansion de l'univers. Voilà, ça, c'était le petit aparté en quart effet Doppler. Je vous laisse poursuivre. Voilà. Donc, en utilisant cette astuce-là, on peut refroidir directement un échantillon, une vapeur d'atomes, à des températures qui vont dans le régime de quelques microkelvin à quelques centaines de microkelvin. Et donc, le point clé dans ce refroidissement, c'est que, comme la vitesse initiale des atomes, elle est plutôt de quelques dizaines de mètres par seconde et qu'il va falloir aller à peu près au centimètre par seconde, il faut échanger beaucoup de photons. Parce que chaque photon absorbé va modifier la vitesse de l'atome, mais de environ quelques millimètres par seconde, au maximum un centimètre par seconde. Donc il va falloir vraiment accumuler beaucoup d'échanges de photons pour être efficace. Et donc le point clé, c'est de disposer dans la structure de l'atome d'une raie d'absorption et d'émission de la lumière, donc exciter l'électron qui tourne autour du noyau de façon efficace, de sorte que quand on le porte dans un état excité et ensuite il se désexcite, il revienne bien dans l'état dont il est parti. De sorte qu'on puisse faire des cycles, et on répète ça un grand nombre de fois. Et ça, C'est pour ça qu'on utilise un certain nombre d'atomes, donc des atomes alcalins qui sont très propices à ça, avec juste un électron sur la couche périphérique. Et c'est ça qui est difficile de reporter dans le cas des molécules. Ce que vous décrivez, c'est ce dont on parlait avec Jean Dalibard, qu'on appelle le refroidissement sisyphe, parce qu'à chaque fois, non, pas tout à fait. Non, alors, ça c'est le refroidissement Doppler. Ça c'est le refroidissement Doppler, autant pour moi. Donc ça c'est la première partie. Voilà. Donc du coup, je vais vous laisser passer au refroidissement sisyphe. Le refroidissement sisyphe, c'est un peu plus subtil. Ça utilise le fait que, en fait, dans l'état fondamental de l'atome, j'ai dit qu'il y avait juste un état fondamental, un état excité. Certains atomes, dans leur état fondamental, en fait, on voit qu'il y a deux sous-états. Et le fait qu'il y ait deux sous-états qui dépendent de façon diverse de la polarisation de la lumière, donc c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, en fonction de la position de l'atome, ces deux sous-états ont une énergie qui varie. Et quand un atome se déplace, à cause de cette variation, il monte et il descend des collines de potentiel. Donc l'effet Sisyphe, c'est le fait que les atomes ont une probabilité beaucoup plus grande de faire cet échange de photons quand ils sont en haut de la colline de potentiel. Et cet échange de photons les ramène en bas de la colline. Donc à chaque fois, ils montent des collines de potentiel. Et ensuite, ils sont ramenés immédiatement en bas et ils font que monter des collines de potentiel, comme Sisyphe qui pousse son rocher vers le haut de la colline. Est-ce qu'il les conduit vers des niveaux d'énergie ? Alors ça permet d'atteindre, le refroidissement Doppler, c'est plutôt la centaine de microkelvin ou 200, et le refroidissement Sisyphe, ça permet d'atteindre le régime du microkelvin. Et donc, quel est en fait le plus bas niveau d'énergie auquel on peut amener un atome ? Je vous laisse poursuivre, ou est-ce que vous voulez dire un mot en ce ligne aussi ? Non, je ferai le rebond après. Sur les molécules, alors je vous laisse poursuivre. La plus basse température, oui. Alors avec du refroidissement laser, la limite à laquelle on se heurte, c'est la limite du recul. C'est-à-dire que quand l'atome est... Imaginons qu'on ait réussi par chance à avoir un atome parfaitement immobile. Tant qu'il reste éclairé par des lasers, il va sans arrêt absorber des photons, réémettre des photons. Et à chaque fois qu'il absorbe un photon, sa vitesse va être modifiée de ces quelques millimètres par seconde qui correspondent au recul. Donc avec ces méthodes-là, on ne peut pas descendre plus bas que des vitesses moyennes de l'ordre du recul, donc de l'ordre de quelques millimètres par seconde. Et ça, par exemple, ça n'est pas suffisant, sauf cas particulier, pour atteindre ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein, qui est une transition de phase qui a encore plus basse température. Donc, dans ces cas-là, on passe à un autre type de refroidissement dans le noir. On s'arrange pour qu'il n'y ait plus du tout de lumière, pour éviter ces reculs de photons. Et on passe à cette technique, je peux vous expliquer si vous voulez. Mais... La dernière technique, c'est la dernière couche, c'est l'évaporation. Voilà. C'est vers ça qu'on allait. Voilà, donc l'évaporation, ça consiste à placer les atomes, cette fois, dans une boîte ou un récipient qui est fait soit avec de la lumière, soit avec des champs magnétiques, on appelle ça un piège, dans le noir, donc il n'y a plus de photons résonnants. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire la profondeur de ce piège au cours du temps. Donc ça, c'est un petit peu le même principe que quand on souffle sur son café pour le refroidir. Ce qu'on fait en baissant la profondeur du piège, c'est qu'on se débarrasse des atomes qui ont l'énergie la plus grande. Et il faut bien voir qu'on a toujours beaucoup d'énergie différente dans un échantillon atomique qui obéit à une certaine distribution statistique d'énergie, qu'on appelle la distribution de Boltzmann. Et donc, en fonction de la température moyenne de l'échantillon, on va aller plus ou moins haut en énergie. Donc, si on se débarrasse des atomes les plus énergétiques, ceux qui restent vont être là hors équilibre et par collision, ils vont se rééquilibrer à une température qui est plus petite et pour de sorte qu'ils ne soient pas perdus dans ce piège de profondeur fini. Et ensuite, au cours du temps, on baisse la profondeur du piège jusqu'à ce qu'on atteigne la température nécessaire à obtenir la condensation qui est en général de l'ordre de quelques centaines de nanokelvin. Et d'ailleurs, à propos de la condensation du condensat de Bose-Einstein, je vais vous renvoyer vers l'émission que nous avions consacrée une heure entière à ce condensat de Bose-Einstein depuis bien les premières théories de Bose et d'Einstein jusqu'à la mise en pratique qui a d'ailleurs valu le fameux prix Nobel en 2001. Donc ça, ce que vous venez de nous décrire, c'est toutes les trois étapes, hein, Doppler, Sisyphe et évaporation, qui permettent d'amener donc les atomes à des niveaux d'énergie extrêmement bas et donc à des températures proches du nano-Kelvin. Nano-Kelvin, c'est 10 puissance 9. Moins 9. C'est ça. Moins 9, bien sûr, pardon. Évidemment, négatif. Et donc ça, c'est pour les atomes. Comment ça se passe pour Encelinier, pour refroidir maintenant et pour condenser les molécules? Parce que c'est plus tout à fait la même chose et c'est plus tout à fait la même. Le premier point, c'est qu'on arrive que très partiellement, enfin, c'est vraiment le tout début de la condensation des molécules, on n'y arrive pas vraiment encore complètement. Alors, peut-être un mot sur pourquoi on ne peut pas faire du refroidissement laser de molécules. Absolument. Parce que ça, c'est pas évident. Alors, la raison principale, c'est que les molécules sont évidemment des arrangements d'atomes. Et à cause de ça, eh bien, il y a des éléments dans l'état qui définit les molécules. Je rappelle que quantiquement, il y a toujours en fait un état qui définit les corps quantiques. Donc, souvent, pour les atomes, eh bien, on parle de l'état au sens la position de l'électron. Bon, c'est un peu réduit, hein, c'est un peu rapide. Il y a aussi la partie magnétique et tout ça. Mais pour les molécules, il y a aussi donc la vibration, la rotation de l'ensemble du système. Et donc ça fait que ça augmente le nombre de ce qu'on appelle de degrés de liberté interne des molécules. Et donc ça rend les molécules très mauvaises candidates pour le refroidissement laser, pour la raison qu'a évoqué tout à l'heure Hélène, à savoir que faire des échanges de photons multiples va poser le problème de retrouver systématiquement l'état initial dans lequel les molécules étaient. Parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres et qu'il y a beaucoup plus de paramètres. De retomber sur l'état Exactement. Initial. Alors, pour ce qui concerne la rotation, c'est ce qu'on appelle un moment cinétique en physique. On a une chance, c'est que les échanges avec les photons sont quand même relativement contrôlés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échanger plus d'un quantum de rotation ou un quantum de moment cinétique. Mm-hmm. Donc, de ce fait-là, on contrôle à peu près la rotation. Par contre, pour la vibration, il n'y a pas vraiment de règles de sélection, on appelle ça. Donc en fait, une fois que vous avez excité une molécule, il est très probable, en tout cas pour la majeure partie d'entre elles, qu'elle se désexcite vers un nouvel état vibrationnel, à partir duquel vous ne pourrez pas réabsorber de photons. Et donc ça casse l'idée de faire du refroidissement laser. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs stratégies. La première stratégie qui a été employée pour refroidir les molécules, ça a été finalement d'associer les atomes déjà froids. Mmh. Et ça demande pas en fait de vraiment beaucoup plus de photons. En fait, il y a deux méthodes. Donc, celle qui consiste à faire de la photoassociation. Mmh. Vous prenez des atomes qui sont relativement proches. Et puis, si vous trouvez, alors il faut chercher, théoriquement d'abord et puis ensuite expérimentalement, il faut chercher des états excités moléculaires que vous allez pouvoir obtenir en excitant en bloc les atomes, les porter sur un état moléculaire excité, et lesquels vont se désexciter avec une probabilité relativement faible dans un état moléculaire stable. Ouais. Mais dans une probabilité relativement faible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déchets. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les déchets, c'est simplement que les atomes vont se resséparer, mais en atomes chauds en général. C'est ça. C'est-à-dire rapide. Ouais. Et donc ça, c'était une technique. L'autre technique qui est un peu plus subtile à comprendre, c'est la magnéto-association. Et donc elle va consister à prendre des atomes et moyennant un champ magnétique bien calculé, eh bien on va pouvoir coupler les atomes qui étaient à la base séparés en un état moléculaire. Alors en général c'est un état moléculaire qui est de très grande élongation, c'est-à-dire que la vibration est très très grande. Mm-hmm. Mais après on a d'autres techniques, encore une fois laser, mais ça utilise un photon par atome pour les transférer, enfin deux photons, vers un état stable. D'accord. Donc ça c'est une possibilité. Ensuite, ce qui s'est passé aux alentours des années 2009-2010, ça a été que on a trouvé des espèces moléculaires tout à fait particulières qui ont ce qu'on appelle des branchements vibrationnels, c'est-à-dire que quand il y a la désexcitation, vous revenez à 99% dans l'état initial. D'accord. Donc finalement, ça, 99%, ça veut dire que vous pouvez faire déjà une centaine de photons, mais sans photons, c'est rien pour le refroidissement laser, parce qu'ils nous en font des dizaines de milliers. Ouais. Donc il y a toujours des pertes vers d'autres états vibrationnels, mais dans ce cas-là, ce que font les expérimentateurs, c'est qu'ils vont ajouter des lasers pour récupérer les atomes qui sont dans les mauvais états vibrationnels et les renvoyer dans l'état initial. Donc ça veut dire, en fonction des espèces moléculaires, même favorables, 4, 5, 10, et là, on est quasiment une quinzaine de lasers dans certains cas. Parce que c'est des c'est des expériences qui sont quand même très difficiles à monter. Mais du coup, alors, parce que Hélène Perrin parlait tout à l'heure des atomes alcalins pour des raisons qui, parce que pour le, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce sont les plus simples à refroidir. Ce sont les plus simples parce que ils sont constitués essentiellement d'un noyau, d'électrons de cœur très bien associés au noyau, et puis d'un seul électron périphérique. Donc ils ont une structure qui ressemble à celle de l'atome d'hydrogène, et donc pour cette raison, ils ont des transitions extrêmement simples avec aussi ces transitions cyclantes pour échanger beaucoup de photons. Les atomes alcalins, c'est donc toute une catégorie d'atomes qui est dans le tableau périodique des éléments. La première colonne. La première colonne, voilà, c'est ça. Donc le potassium, le rubidium. Oui, alors dans l'ordre, il y a le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium, et puis bon, le francium, c'est un radioactif, donc en général, on ne l'utilise pas. Et alors du coup, ça c'est pour les atomes. Est-ce que pour les molécules, vous partez du même principe, en tout cas pour le refroidissement des molécules, de partir de molécules qui sont composées d'atomes alcalins, ou est-ce que la loi est un peu différente? C'est un peu différent, mais en fait l'idée c'est de ne pas avoir ce problème de vibration. Et donc pour ça, ça veut dire, c'est un peu technique, mais qu'il faut que les potentiels moléculaires soient... Donc il y a plusieurs potentiels moléculaires, c'est l'équivalent en gros un petit peu des états électroniques. Et il faut qu'ils soient tous très similaires. Et donc pour ça, on a identifié qu'il y avait des classes de molécules qui sont composées. Je parle de molécules diatomiques, hein, pour faire simple, qui sont... en fait, des molécules qui sont composées d'un atome alcalinotéreux, c'est la deuxième colonne, et d'un atome de fluor, ou encore d'un atome d'hydrogène. Et donc ça, ça donne les bonnes propriétés vibrationnelles dont je parlais tout à l'heure. Oui, NPR. Oui, je voulais donner peut-être un élément de compréhension de pourquoi ces molécules-là marchent bien. En fait, ces molécules, l'alcalinotéreux, donc l'atome de la deuxième colonne, Donnez-nous des exemples alcalinotéreux. Par exemple, le calcium ou le strontium, il n'a pas juste un électron un peu libre, il en a deux. Et donc ça permet d'utiliser en quelque sorte l'un des électrons pour faire la liaison de la molécule, et l'autre électron est celui qui va être excité en ne changeant quasiment rien à la structure vibrationnelle qui va être très très neutre. Et donc c'est pour ça que le potentiel dans l'état excité et dans l'état fondamental est quasiment le même du point de vue de la vibration, et c'est pour ça qu'on retombe bien dans le même état. Alors je vous propose de voir tout cela de manière maintenant tout à fait concrète, puisqu'on va se rendre en signé dans votre laboratoire, le laboratoire Aimé Coton. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est là que vous vous êtes rendu pour comprendre concrètement comment les scientifiques travaillent sur ces molécules ultrafroides. Oui, et j'ai eu le plaisir d'avoir deux guides pour ce reportage. Olivier Dulieu, que vous entendrez au début de ce reportage, qui est directeur du laboratoire Aimé Coton, et Daniel Compara, qui est directeur de recherche CNRS et coordinateur de l'équipe matière froide corrélée. Tous les deux nous expliquent les enjeux des travaux de recherche menés actuellement autour des molécules froides, et ils nous emmènent voir les dispositifs expérimentaux dont ils disposent pour réaliser ces recherches qui permettent de contrôler la matière à l'échelle moléculaire à l'aide de laser. Alors, le grand objectif de cette recherche, c'est d'arriver à un contrôle des systèmes quantiques le plus fin possible. C'est-à-dire, avec cette matière froide, on a l'opportunité de contrôler dans ses détails les plus fins la matière, à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire. Et à partir du moment où on peut la contrôler, en utilisant en particulier des champs électromagnétiques, des lasers par exemple, eh bien, ça veut dire que finalement, on peut décider de son devenir. Et donc ce contrôle de la matière quantique permet d'avoir ensuite tout un tas d'applications possibles qui peuvent être par exemple tout ce qui est lié à l'information quantique, et puis mais également des mesures de très très grande précision qui ont pour objectif de vérifier la validité ultime des théories fondamentales qui sont actuellement acceptées et qui décrivent notre monde physique. Il y a un aspect extrêmement théorique dans ces travaux, mais aussi un aspect expérimental. Si vous deviez décrire un petit peu le dispositif expérimental type auquel vous avez recours aujourd'hui, ici, au quotidien, quel serait ce dispositif-là ? Alors, justement, il diffère un peu des atomes froids, où en général, c'est assez facile d'avoir les atomes. On chauffe du césium, on chauffe du rubidium, notre atome, on a tout de suite la vapeur. Pour s'attaquer aux molécules, il y a deux grosses approches. Vraiment, l'approche, on associe atome par atome, qu'on a initié il y a 23 ans. C'est-à-dire, on était vraiment les pionniers on a ouvert ce domaine-là en faisant ces associations d'atomes de césium pour faire des molécules de césium-2. Mais si on veut aller vers des molécules beaucoup plus, je dirais, d'intérêt chimique, CO2, OH, même monoxyde de carbone, voilà, il faut partir de ces molécules-là. Et la production, là, il y a plusieurs types de production, mais une des productions les plus simples, c'est si elle existe en bouteille, on les prend en bouteille. Mais pour la molécule qu'on étudie, par exemple, actuellement, qui est le fluorure de barium, pour ses propriétés assez intéressantes, comme mentionnait mon collègue sur des mesures fondamentales, parce que le barium est un atome lourd, voilà, on pourra rentrer dans les détails, elle n'existe pas dans la nature, c'est une molécule instable. Et dès qu'elle rencontre une autre molécule, elle va se dissocier, ce qu'on appelle des molécules radicalaires. Et là, il faut les produire un peu par une méthode chimique. Et donc on fait une ablation laser, on tape sur du barium par du laser. On lui associe un gaz qui a du fluor, et par une chimie, une réaction chimique qu'on ne comprend pas très bien, on arrive à former du fluorure de barium. Et donc ceci s'expand dans le vide. Ensuite, on arrive à un gaz très dilué, et là, à partir de là, il n'y a plus de collision, plus d'interaction avec le gaz. Et là, on peut vraiment les étudier par laser, leur appliquer des champs électriques et magnétiques, et ça, c'est vraiment le cœur de l'expérience. Est-ce qu'on peut aller voir justement cette salle des machines et voir un petit peu. Avec plaisir, on y va maintenant. Voici. Daniel, c'est plutôt son domaine ici. Ouais. Oui, alors je dirais d'aspect extérieur, ça ressemble à une expérience d'atome froid, donc avec une chambre avec des pompes pour faire le vide et puis des lasers autour. La différence vient justement, m'expliquer un petit peu de la chambre à vide. Il y a toute une partie qui est le jet moléculaire, l'ablation laser pour former la molécule. Et vraiment dans la deuxième partie, des fenêtres où on peut envoyer les lasers. On a une spécificité aussi qui est la détection. Pas uniquement par des lasers, mais par de la ionisation. Donc on envoie un laser qui va casser notre molécule, former des fragments ioniques qu'on va détecter. Et en changeant la longueur d'onde du laser, qui est juste devant nous ici, on pourra soit dissocier, soit faire de la rotation, de la vibration sur la molécule, et contrôler cet aspect-là. Et il y a vraiment toute une de nos spécificités, qui est nos travaux, je dirais, des 10 dernières années, c'est justement de contrôler la vibration et la rotation de la molécule. Parce que contrairement justement aux atomes qui ne tournent pas et vibrent pas, la richesse et la complexité du domaine des molécules froides, c'est justement cette rotation et cette vibration. Et donc il faut réussir à bien les contrôler. Donc, si on prend une molécule à température ambiante, elle a plein de niveaux de vibration et de rotation, au moins une millier. Donc on se rapproche justement de la physique quasiment classique, où on voit juste une molécule tourner. Mais si on veut rentrer dans le régime quantique, il faut arriver dans un seul état, bien défini de rotation et vibration. Et donc on a utilisé des lasers avec des longueurs d'onde bien spécifiques pour contrôler tout ce phénomène-là. Si vous deviez décrire des travaux de recherche que vous êtes en train de conduire en ce moment même, quelles seraient les grandes questions que vous vous posez et quel type d'expérimentation vous allez mener en suivant ? Alors pendant longtemps, on a développé l'outil pour justement arriver à cette physique intéressante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ? Il y avait deux grandes pistes, les études de collision, vraiment, comprendre une molécule qui collisionne sur une autre, contrôler la chimie qu'on veut faire, donc ça c'est des choses qu'on veut étudier aussi. Et autre ouverture qui nous intéresse fortement, c'est des mesures très précises pour tester la physique dans ses fondements, et notamment une des questions qui nous attire en ce moment, c'est est-ce que les constantes de la physique sont les mêmes actuellement que dans le passé ou que dans le futur ? Donc typiquement la masse de l'électron, la masse du proton, et donc pour ça, on regarde les niveaux d'énergie des atomes ou des molécules et ils dépendent de ces constantes. Donc on fait une mesure cette année, on mesure des niveaux d'énergie, on vérifie l'année prochaine si c'est les mêmes. Donc les gens ont déjà fait ça, pour l'instant c'est les mêmes. Mais les molécules semblent vraiment un système très intéressant de par cette richesse sur les vibrations et les rotations qui dépendent fortement de ces constantes-là. Olivier Dulieu, on a beaucoup parlé d'atomes froids. Les molécules froides, vous l'expliquez, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Est-ce que là, on arrive à un moment de la recherche autour des molécules froides qui est une espèce de tournant, ou en tout cas un moment où, d'un point de vue expérimental et d'un point de vue technologique, on a les moyens à disposition pour aller plus loin ? Expérimental, technologique et théorique aussi. Alors oui, je pense qu'on est à une étape effectivement vraiment charnière depuis, je dirais, 2 ans, parce que les progrès expérimentaux sont tels que effectivement ces systèmes compliqués, on arrive à les contrôler aussi bien que ce qui a été fait depuis 20 ans avec les atomes. Ça a pris tout ce temps-là, c'était un rêve il y a 20 ans, et maintenant c'est en train de devenir réalité. Et ça a vraiment créé un domaine entier, nouveau, qui s'appelle donc cette chimie ultra-froide, hein, et qui consiste vraiment à introduire encore plus de complexité dans ces domaines. Et on est vraiment maintenant à ce stade où les premières expériences sortent et montrent qu'effectivement, on peut arriver à ce degré de richesse à la fois et de contrôle qui permettent d'envisager une nouvelle expérience. Un autre aspect qui est intéressant, c'est que on arrive aussi dans ce contrôle également à contrôler la manière dont deux molécules vont interagir. Et alors c'est intéressant parce que on n'est plus juste à assister à ce que la nature a bien voulu faire, mais on a maintenant la possibilité avec des lasers de modifier ce que la nature a bien voulu faire. Ce qui fait que des molécules qui auraient tendance à s'attirer l'une vers l'autre, eh bien maintenant on peut faire le nécessaire pour qu'elles se repoussent. Et donc, à volonté, on peut décider d'allumer ou d'éteindre, si vous préférez, une réaction chimique. Donc c'est un petit peu parmi les rêves qui deviennent réalité maintenant. Voilà le reportage du jour dans ce laboratoire Aimé Coton qui est le vôtre. Hans Ligné, peut-être un commentaire simplement sur ce travaux, sur vos travaux collectifs avec vos collègues que l'on vient d'entendre. Ouais, bah c'est en fait on a la chance dans mon laboratoire d'avoir déjà une bonne expérience sur les molécules froides, parce qu'effectivement, comme le disait Daniel qu'on entendait, ça fait une vingtaine d'années que c'est en route. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un pôle de théoriciens. Et on a vraiment besoin d'eux parce que les calculs sont complexes, aussi complexes que les manips, on va dire. Enfin, c'est l'analogue. Et après, en termes d'expérience, on a fait donc ce refroidissement, effectivement, de rotation et de vibration, qui utilise aussi des lasers. Alors c'est un peu différent parce qu'on ne regarde pas forcément dans ce cas les degrés externes de liberté, mais c'est intéressant aussi parce que ça met en jeu des nouvelles techniques. Par exemple, on utilise des lasers larges et façonnés. Alors que la plupart du temps, on utilise, quand je dis large, je veux dire spectralement large. Oui, oui. Alors que dans la plupart du temps, on utilise des lasers qui sont relativement étroits. Mm. Alors ceci dit, c'est une particularité en général du refroidissement laser, même quand c'est les degrés externes de liberté, donc c'est-à-dire la translation, hein, c'est qu'il faut des lasers, comme il faut beaucoup de lasers, ben, des fois on est tout à fait tenté, et on le fait, d'utiliser des lasers qu'on élargit spectralement. On va continuer à parler de cette chimie ultra-froide maintenant qu'on a à peu près fait le tour ou compris la façon bien que l'on utilise pour réduire la température des atomes ou des molécules. On va se demander qu'une fois qu'on est à ces températures-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait et comment on manipule ces atomes. Ce sera tout de suite après ça. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h40, nous continuons donc à parler de chimie ultrafroide en compagnie d'Hélène Perrin, physicienne, directrice de recherche CNRS au laboratoire physique des lasers de l'université Sorbonne Paris-Nord et responsable du groupe condensat de Bose-Einstein, et Hans Ligné, enseignant-chercheur au laboratoire Aimé Coton de l'université Paris-Saclay. Mais à 16h40, avec un petit peu de retard, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et donc, rebonjour à vous, Guillaume Curé-Coquille. Rebonjour. Bienvenue, vous travaillez donc sur le contrôle de l'émission spontanée d'atomes de Rydberg pour la réalisation d'un simulateur quantique au laboratoire Kassler-Brossel et au Collège de France. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, comme vous le disiez, ma recherche porte sur le contrôle de l'émission spontanée d'atomes de Rydberg pour la réalisation d'un simulateur quantique. Alors, je sais, ça fait beaucoup de termes techniques, mais j'ai essayé de simplifier tout ça pour préciser. En commençant par la fin, alors avec le terme quantique, donc la physique quantique, on en parle depuis tout à l'heure, c'est une physique qui va être très différente de la physique de tous les jours, qui elle est classique la plupart du temps, et avec notamment des propriétés qui vont être très surprenantes et contre-intuitives, comme par exemple la quantification des états. Par exemple, si on regarde la vitesse d'une particule, elle ne va pas pouvoir prendre toutes les vitesses possibles, mais seulement certaines vitesses précises, donc un peu comme des entiers 1, 2, 3, mais jamais 2,5. Mm-hmm. Et aussi par exemple la superposition d'états, donc si on regarde la position d'une particule par exemple, elle peut avoir deux états de position en même temps, c'est-à-dire qu'elle peut être à deux endroits en même temps, ce qui est très contre-intuitif, mais ces propriétés vont être fondamentales quand on va vouloir expliquer certaines propriétés de la matière, comme par exemple les propriétés magnétiques. Le souci, c'est qu'on peut se dire, ok, si on veut étudier les propriétés magnétiques, on va prendre, je sais pas, un bout de métal, regarder directement les atomes à l'intérieur et voir comment ils se comportent. Sauf qu'avec les défauts, etc., ça va être très compliqué d'étudier les atomes directement dans un matériau. On peut se dire, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ordinateur, je connais les équations, je vais faire de la simulation directement. Là, on va se confronter à un autre problème, qui est celui que les ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui sont classiques, et donc vont être très loin d'être suffisamment puissants pour pouvoir permettre de simuler des propriétés quantiques, surtout à ces échelles-là. Mmh. Et donc en fait, nous, ce qu'on va chercher à faire, et c'est le sujet de ma thèse, c'est de se dire, on va prendre des atomes, les remettre dans les mêmes conditions qu'ils pourraient avoir dans la matière. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est une chaîne d'atomes, en fait, en une dimension, et pouvoir les étudier directement, mais isolés du reste, pour que ce soit plus simple d'étudier les propriétés. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'atomes, et ce qu'on va appeler la simulation quantique, pardon. Mmh. Et donc depuis tout à l'heure, je vous parle d'atomes. Nous, les atomes avec lesquels on travaille, c'est ce qu'on appelle les atomes de Rydberg. Donc on va prendre des alcalins, comme pour les condensats. Et en fait, les atomes de Rydberg, c'est un peu ce qu'on appelle les atomes géants. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va prendre un noyau, enfin un atome, c'est composé donc d'un noyau et d'électrons. Et on va prendre l'électron de valence, et à l'aide de laser, on va l'exciter dans un état d'énergie qui va être très élevé, qui va l'éloigner du noyau. Mmh. Et ça va créer un très fort moment dipolaire, ce qu'on appelle, et ça va permettre de le coupler beaucoup plus efficacement avec des champs extérieurs pour permettre soit par exemple le contrôle ou alors le couplage entre atomes pour étudier les propriétés. Le seul souci, c'est que l'atome, donc, l'électron dans cet état, va chercher à relaxer et à retourner le plus proche possible du noyau. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée, et donc, c'est l'effet qu'on va essayer d'empêcher. Pour ça, on va avoir deux techniques principales. Premièrement, on va travailler à très basse température, donc de l'ordre de 0,7 Kelvin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les corps chauds rayonnent, et en fait, cette énergie-là, notre électron peut la réabsorber et aller dans des états d'énergie autres, plus haut ou même plus bas avec de l'émission stimulée, qui vont être totalement différents de ceux qu'on va étudier, donc dans ce cas, et nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc du coup, on va travailler à basse température pour empêcher ce changement d'état. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vraiment empêcher l'émission spontanée. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre chaîne d'atomes entre deux plaques de métal, donc espacée d'à peu près 2 mm. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, l'électron, quand il va chercher à descendre en énergie, il va émettre des ondes électromagnétiques. Et l'idée avec ces plaques de métal, c'est que la distance est tellement faible entre les deux que les ondes que va essayer d'émettre l'électron pour descendre en énergie ne vont pas avoir semi-classiquement la place de se déplacer. Et comme elles vont pas avoir la place de se déplacer, quand l'électron va chercher à les émettre, elles vont pas pouvoir être générées. Donc du coup, on va empêcher le fait qu'il descende d'énergie et donc le garder dans l'état qui nous intéresse. Et avec ça, on peut atteindre des temps de vie qui sont en théorie de l'ordre de la minute, ce qui est bien plus grand que ce qu'on peut réaliser aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Curé-Coquil pour cette présentation. Une réaction, oui. Je lui disais juste avant l'émission, parce qu'il m'avait un peu parlé de ça, que les molécules, justement, c'est une des applications des molécules froides, c'est éventuellement de faire des simulateurs quantiques. Voilà. On y vient, justement. Allons-y. Voilà. Les applications, parce que évidemment, on vient de parler beaucoup de recherche fondamentale. Y a-t-il des applications immédiates et si oui, quelles sont-elles? C'est-à-dire que finalement, pourquoi se donne-t-on autant de mal pour pouvoir assembler des molécules à très basse température alors que finalement, et je force le trait bien évidemment, on peut les assembler à température ambiante. Alors, je relève à peu près, on pourrait catégoriser en trois parties les applications. Il y en a une, c'est un peu naturellement, une chimie ultra-froide, dont je vais revenir. Ensuite, il y a des tests fondamentaux, et puis il y a ces simulateurs ou ces calculateurs quantiques. Alors, je ne sais pas si je parle sur le dernier, puisque... Oui, commençons, et puis comme ça, Guillaume, si vous voulez réagir... Voilà. Alors, donc, par exemple, pour les simulateurs quantiques, c'est toujours la même idée, c'est que vous devez avoir des particules qui représentent ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire des corps quantiques qui peuvent être dans des états 0 et 1, qu'on va appelé 0 et 1, et il faut que ces corps quantiques puissent communiquer entre eux. Et donc, il faut une interaction. Voilà. Donc, avec les atomes, actuellement, si vous prenez des atomes dans leur état fondamental, même très froid, bien disposé selon des chaînes, etc., comme tu viens de l'expliquer, le problème, c'est que l'interaction est un peu faible portée, c'est-à-dire que on va pas réussir vraiment à les faire interagir, bien. C'est l'un des problèmes majeurs d'ailleurs aujourd'hui de l'information quantique, c'est de réussir à la transmettre sur de longues distances sans perte d'information et sans perte de l'état d'indétermination quantique. Voilà. Et par contre, alors les atomes de Rydberg, eux, ont l'avantage d'avoir des très fortes interactions, même à une bonne distance. Quand je dis une bonne distance, ça veut dire 0,5 micromètre typiquement. donc c'est évidemment beaucoup. Et puis, pas peu, je veux dire. Oui, c'est peu, mais c'est énorme. Voilà. Bon, pour nous, c'est énorme. Évidemment. C'est l'avantage donc des atomes de Rydberg. Leur problème, c'est que avant d'atteindre la minute, pour l'instant, on est plutôt dans la gamme de 10 microsecondes à peu près, c'est ça, une centaine de microsecondes au mieux. Si c'est refroidi en cryogénie, je sais pas combien. Oui, ça fait centaines de microsecondes peut-être. Ouais, à peu près. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le défaut. Alors les molécules, on peut aussi encoder ces qubits sur des états rotationnels, par exemple, et puis bien les faire communiquer, parce que du fait qu'elles possèdent un dipôle électrique naturellement, pas toutes, il faut choisir les bonnes espèces pour ça, eh bien on peut faire cette communication, cette interaction à une distance raisonnable, et tout ça avec des temps de vie très longs, un temps de vie des fameux qubits. Donc ça, voilà, c'est une des applications. Alors pour l'instant, c'est vraiment très très émergent, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup de systèmes pratiques, expérimentaux. Il y a quelques études un petit peu pour voir si justement les temps de vie de ces superpositions d'états sont viables ou pas. Pour l'instant, le mieux qu'ils ont fait, c'est 100 millisecondes, ce qui est déjà bien plus grand que les Rydberg, mais par contre, il n'y a pas eu encore beaucoup d'interactions. Ensuite, Peut-être Hélène Perrin, quoi, un commentaire ou Oui, oui. Donc, vous voulez ajouter quelque chose? La simulation quantique, c'est l'une des applications, de façon générale, de ce qu'on appelle les technologies quantiques et qui sont en plein boom en ce moment. Ça recouvre donc le calcul quantique, donc faire un ordinateur quantique, la simulation quantique, donc mimer un système analogue pour essayer d'en comprendre le comportement, les communications quantiques à lesquelles peut-être vous avez fait allusion, donc échanger par des canaux sécurisés, et puis les capteurs quantiques avec de la des sensibilités ultimes pour des champs magnétiques ou bien des champs inertiels. Donc l'ensemble de tout ça, c'est les technologies quantiques pour lesquelles il y a des très fortes d'ailleurs compétences en France et sur ces sujets-là. Et donc dans les simulateurs quantiques, il y a plusieurs façons d'en réaliser un. Ça peut être avec des atomes, donc pas des molécules, des atomes, soit dans des réseaux optiques, donc dans des boîtes de lumière qui sont faites avec des lasers qui interfèrent les uns avec les autres. Donc là, les distances entre particules à ce moment-là sont beaucoup plus faibles, sont de quelques centaines de nanomètres, et là l'interaction est suffisante pour réaliser un modèle. Il y a les atomes de Rydberg dans des pinces optiques. Donc cette fois, ils sont séparés plutôt de quelques micromètres, et on peut brancher l'interaction en passant l'atome dans l'état de Rydberg et puis la débrancher quand il revient. Et puis se développent des simulateurs à molécules. Donc là, c'est des résultats tout à fait récents où il y a l'analogue de ces pinces dans lesquelles on met des atomes de Rydberg. Maintenant, on sait aussi le faire avec des molécules. Donc il y a des projets dont le but est justement de tirer parti de cette interaction très grande des dipôles moléculaires en les plaçant elles aussi dans des pinces optiques. Ça, c'est vraiment un sujet qui est très chaud. On peut encore Avait dit qu'on ne la ferait plus. Oui. C'est pas de ma faute cette fois-ci, je vous le laisse. Et qui a démarré il y a quelques années, vraiment, on est sur l'échelle de 2-3 ans. Pour poursuivre en se ligner, donc la question, ça c'est pour la partie informatique quantique. Le deuxième élément d'application que vous évoquiez, c'est celui de la chimie à proprement parler, donc de la chimie ultrafroide. Oui, alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que la chimie, comme on l'entend au sens habituel, c'est quelque chose qui est vraiment très statistique. C'est-à-dire que à la base d'une réaction chimique, vous avez des collisions. Seulement les collisions dans l'usage habituel de la chimie, vous contrôlez pas vraiment les paramètres d'impact de la collision. Et donc, vous avez des résultats. Bon, bien sûr, il y a des expériences qui ont été faites déjà avec des jets moléculaires dans lesquels on pouvait commencer à contrôler un petit peu ces paramètres d'interaction. Mais maintenant, avec le refroidissement, disons le contrôle ultime dans lequel on arrive et qui nous permet d'atteindre ce qu'on appelle donc des régimes ultra froids, eh bien on peut contrôler vraiment les états de façon quasiment unique de collision de molécules entre elles. Et à partir de ça, eh bien on regarde les produits et on essaie de retracer vraiment l'ensemble des états qui ont eu lieu, à travers lesquels sont passées les molécules. C'est-à-dire qu'elles vont, au début, par exemple, vous me parliez de KRB pour préparer l'émission. Donc c'est une molécule de potassium rubidium. C'est ça. Là, on parle de la publication de Science de 2019. Oui, voilà. Avec cette chimie ultrafroide qui a été faite à 500 nanokelvin et où on a quasiment pu observer en temps réel la liaison des deux atomes. Voilà. C'est-à-dire que vous partez de deux KRB. Ouais. Donc c'est refroidi à la base par des techniques magnéto-associations, etc. Et donc on trouve les produits qui sont RB2 et K2. Et entre deux, il y a eu des complexes qui sont formés. On peut suivre l'ensemble de cette évolution. Et comme le disait aussi Olivier Dulieu, le directeur de mon laboratoire, dans le reportage, eh bien on peut même, si on veut, annuler. On peut diminuer très fortement les taux de réaction ou au contraire les augmenter. Donc tout ça avec des champs électriques ou des champs radiofréquences externes ou optiques. Donc il y a toute une ingénierie qui se met en place pour pouvoir contrôler effectivement les processus chimiques à un niveau quantique, ce qui se faisait pas avant. Ça, c'est pour la chimie ultrafroide. Ouais. Le troisième élément, c'est les tests fondamentaux. Voilà. À moi qui me passionne pas mal en ce moment. Donc les tests fondamentaux, là pour le coup, c'est une application, on va dire, de cette chimie ultra-froide, enfin de ces molécules ultra-froides, je dirais, à des fins vraiment de physique. Et donc là, l'idée, c'est que on sait qu'il y a des gros problèmes dans ce qu'on appelle le modèle standard, parce qu'on n'arrive pas à expliquer la symétrie matière-antimatière, parce qu'on n'arrive pas à expliquer... On n'arrive pas à quantifier la gravitation, etc. Il y a tout un tas de choses. Donc les physiciens essayent comme ils peuvent, de trouver les failles et des preuves de ces failles dans des mesures. Donc évidemment, il y a toute la physique qu'il y a dans les accélérateurs de particules qui permettent déjà de tester tout ça. Mais en fait, maintenant, et d'ailleurs depuis un certain temps quand même, les atomes et les molécules permettent de relever ces effets. Donc il y a par exemple les mesures sur les variations des constantes fondamentales adimensionnées. Donc c'est par exemple le rapport de la masse du proton sur celle de l'électron, ou par exemple de la structure fine, qui est une autre propriété importante. Et on peut voir si effectivement les niveaux se déplacent très légèrement s'il y a eu des variations de ces constantes fondamentales. Donc les molécules sont intéressantes par rapport aux atomes là-dessus parce qu'elles ont des niveaux qui sont très proches les uns des autres des fois. Et donc une petite variation va être facilement détectable, on va dire. Et puis surtout, ils peuvent bouger de façon différente en fonction des niveaux dont on parle. C'est comme le principe d'équivalence, c'est-à-dire qu'on cherche des variations à 10-12, 13, 14, 15 qui seraient significatives, c'est ça ? Ah oui, c'est vraiment, en tout cas, c'est des effets extrêmement faibles qu'on cherche. Typiquement, il faut quand même avoir en tête que même de trouver la position d'un niveau au hertz près, puisqu'on parle en fréquence dans ce domaine-là, eh bien c'est déjà difficile, parce que ça veut dire que vous devez avoir des temps d'interaction qui sont de l'ordre du hertz, etc., de la seconde. Eh bien en fait, on est quand même capable maintenant de faire des détections de l'ordre du millihertz, de quelques dizaines de millihertz. Hélène Perrin, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, il y a plusieurs effectivement types de tests fondamentaux qu'on peut faire avec les molécules où c'est bien approprié. Donc tu as cité les variations éventuelles des grandeurs fondamentales. On peut citer aussi par exemple les violations de symétrie, comme par exemple la violation de la parité. Donc dans mon laboratoire, il y a une équipe dont l'objectif est de refroidir des molécules pour essayer de trouver une asymétrie dans les spectres des molécules entre une molécule gauche et une molécule droite, deux énantiomères d'une molécule chirale. Dans la chiralité, voilà. Exactement. Donc ça, c'est un autre effet pour lequel les molécules sont bien appropriées pour aller chercher ce genre de physique fondamentale. Oui, on en avait parlé justement dans une émission qui était consacrée justement à la symétrie CPT, aux différents problèmes liés à la violation ou non. C'était tout à fait passionnant. On va vous remettre le lien. Oui, un mot de conclusion peut-être en ligné sur... J'allais simplement citer un autre type de test fondamental, c'est de voir si par exemple l'électron qui est considéré comme une particule ponctuelle dans le modèle standard, eh bien, est-ce qu'il n'aurait pas en fait une asymétrie de sa forme et donc il aurait un dipôle électrique associé à l'électron, et les meilleures mesures actuelles sont faites avec des molécules ultra froides même. Et comment est-ce qu'on peut justement arriver à ce type d'observation d'un éventuel dipôle électronique, qui est là aussi effectivement quelque chose qui serait une vraie bascule en termes de physique des particules? Pour ça, on prépare des molécules très très froides, le plus froid possible, qui ont des propriétés vraiment adaptées pour ce genre de mesures. Et l'idée, c'est que, de même manière, c'est toujours un peu le même principe, c'est qu'on essaie de voir des décalages de niveau d'énergie par rapport à ceux qui sont prévus, en plaçant ces molécules dans des champs électriques. Et évidemment, s'il y a un dipôle électrique aux électrons, eh bien, elles vont s'orienter en fonction de ce dipôle, enfin de ce champ électrique externe. Et donc, les molécules sont très très bonnes parce qu'en fait, on bénéficie du champ électrique interne des molécules qui est gigantesque. Et vous ne pouvez pas créer n'importe quel champ électrique en laboratoire. Donc quelque part, la molécule est elle-même le laboratoire qui fournit le champ électrique. D'accord. Et qui permettrait donc de révéler ces propriétés-là. Hélène Perrin, un mot de conclusion. Ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qu'on a vu arriver avec la physique des atomes ultra-froids est en train de se passer maintenant avec les molécules ultra-froides. Donc les choses avancent extrêmement vite. Il y a une revue qui avait été écrite par un collègue l'année dernière. Bon, elle est presque déjà caduque parce que d'autres molécules ont été refroidies par laser. Et donc c'est un domaine qui avance très vite et dont les applications sont sans doute encore insoupçonnées aujourd'hui. Sur les nouvelles molécules si on sort des molécules alcalines, il y a d'autres types ou d'autres catégories de molécules qu'on est en train d'apprendre à refroidir. Ouais, il y a un truc extrêmement beau qui est fait par des gens d'Harvard dans le groupe de Doyle. En fait, ces gens-là utilisent des molécules comme je disais, un peu spéciales. Donc, je vous disais, par exemple, du calcium avec du fluor. Et en fait, ils remplacent le fluor par autre chose qui peut être très très gros, notamment actuellement des groupes phényls, des groupes arènes, qui sont des énormes parties. Et ils sont capables, en fait, ils sont en train d'essayer d'étudier ça et de refroidir ce genre de groupe. Et donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir quasiment faire s'ils y arrivent, ils pourront faire le refroidissement de n'importe quelle molécule. Oui, quasiment, on pourrait presque penser d'acides aminés ou des choses vraiment voilà. Très énormes, quoi. Ouais. Oui, mais alors là, bon, après, il faudra attendre un petit peu, peut-être pas mal de temps. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Merci Hélène Perrin, merci Anstigny, merci Guillaume Curé-Coquille d'être venu nous parler de vos travaux et de cette recherche en chimie ultra-froide. Si vous voulez en savoir plus, on peut vous lire dans Atomes, Ions, Molécules, Ultra-froid et Technologie Quantique. C'est aux éditions EDP Science, la méthode scientifique. C'est Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. Et comme toujours, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le site franceculture.fr. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.